Section 18 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 18. Pascal Géphos par Paul Marguerite. Chapitre 23. Quand Géphos entra dans le salon, Madame Hanskin ne put maîtriser ses sentiments. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Elle rougit, mais d'indignation, et nullement par fausse honte. Géphos s'inclinait, très respectueux. Elle lui désigna un siège. Il s'assit avec une grande aisance et attentif la regarda. Elle parvint à se dominer. Ses joues redevinrent pâles. « Monsieur, dit-elle à brûle-pourpoint, je vous remercie d'être venu. Si vous le voulez bien, nous laisserons de côté toute hypocrisie mondaine. Supposons, si vous consentez, que nous traitons entre amis, d'homme à homme, une question délicate. Il s'agit de Louise seule. Vous m'autorisez, n'est-ce pas, à vous parler d'elle ?» Et sa voix, altérée d'abord, se raffermissait. Géphos s'inclina. « Vous avez tous les droits pour cela, madame. » Eh bien, elle le regarda bravement. « Permettez-moi de vous poser une question. Au point où nous sommes, notre franchise ne peut être que complète. Louise est à la veille de perdre, par sa faute et la vôtre, son honneur devant son mari, ses enfants et le monde. Quelle réparation pouvez-vous et voulez-vous lui donner ?» Géphos, qui avait baissé les yeux pour ne pas l'intimider, les releva, et très poliment. « Mon Dieu, madame, dit-il d'un ton pénétré, qui n'excluait pas la bonne grâce, vous m'embarrassez cruellement, je l'avoue. Je me trouve en présence d'une amie de madame Desgrands, et d'une amie, il s'inclina, je le sais, rare et précieuse. Or, la réponse que vous demandez et de celle qu'on ne peut guère donner qu'au principal intéressé, c'est-à-dire au mari, quand il la réclame en personne. Si je vous entends bien, fit-elle avec un sourire surpris, votre réponse ne serait autre qu'un coup d'épée, donné ou reçu. Je ne discute pas l'injustice et l'immoralité d'un pareil duel, je l'accepte. Dans des conditions semblables, on se tue, où on s'estropie, j'imagine. Certes, cela pourrait être un amusement pour la galerie, mais en aucune façon une solution pour Louise, et c'est Louise seule qui m'occupe. Un duel qui ne vous supprimerait pas complètement. Géphos salua, et elle lui rendit son salut. Ne serait qu'un accident provisoire. Après, comme avant, la faute de Louise et votre responsabilité restent entières. Qu'il n'y ait pas de duel, ou qu'il y en ait un, auquel vous surviviez, comme je le souhaite, nouvel échange de salutations, cela ne change en rien l'état des choses. C'est pourquoi je le répète, Louise est à la veille d'être déshonorée, car son mari, qui ne sait rien encore, peut apprendre tout demain. Il suffit d'une imprudence ou d'un aveu de Louise, et vous savez mieux que moi dans quel état elle est. J'ai eu toutes les peines du monde à la décider à partir. Donc, un duel n'arrangeant, et surtout ne terminant rien, je vous demande encore une fois, quel parti allez-vous prendre ? Géphos sentit la justesse du raisonnement. « Vous analysez si nettement la situation, madame, » dit-il avec une ironie un peu acerbe, « que je vous supplie d'envisager pour moi les solutions dont vous parlez. »« Parfaitement, » dit-elle en s'animant un peu, et ses yeux, un instant, étincelèrent. Mais se contenant, je vois trois parties. Le premier, le pire, est que Louise vous suive, que vous l'enlevez. Elle vous aime assez pour faire cette folie, dit-elle froidement en voyant Géphos se troubler. Par là, elle rompt avec le monde, elle s'affiche comme votre maîtresse. J'admets que des grands vous l'abandonnent, que vous la gardiez impunément. J'admets que vous l'aimiez, que vous ayez cédé à un entraînement irrésistible. J'admets même que vous l'aimerez toujours, que vous ne la quitterez jamais, car sans cela, votre séduction serait inqualifiable. J'admets tout. Sera-t-elle heureuse? Votre célébrité ne peut que rendre sa honte plus éclatante. Êtes-vous sûr qu'elle sera de force à supporter cette honte de tous les jours, de tous les instants? Êtes-vous sûr qu'elle ne regrettera rien, que son illusion sera longue? Êtes-vous sûr d'elle, enfin? Géphos ne répondit pas. En renversant les rôles, en calomniant exprès son ami, la générosité feinte de Madame Hanskin le clouait au mur. Jamais il n'avait songé à se donner les embarras d'une maîtresse, enlevée ainsi. Quelle chaîne ce serait! « Vous avez parlé d'un second parti, » dit-il sérieusement. « Oui, » dit-elle, « car cet enlèvement romanesque n'était qu'une supposition, très injurieuse de ma part. Assurément, vous n'avez jamais pensé à avilir Louise à ce point. Mais vous auriez pu vous dire qu'en lui faisant perdre son nom et son rang, vous lui offririez du moins l'équivalent. Vous avez pu penser à un divorce entre Louise et son mari. » Et songer à l'épouser ensuite. Géphos baissa le nez, confus. « Elle se moque de moi, » pensa-t-il, et il avait peur qu'elle ne devinât son effarement à l'idée d'épouser Louise. Elle ne parut point le remarquer et dit avec une simplicité parfaite « Le grand obstacle que j'y vois est la question des enfants. Je ne parle pas de des grands qui les adorent, mais de Louise, qui ne les aime pas moins. Rien dans le malheur de ma pauvre amie ne permet d'affirmer que parce qu'elle a été infidèle à son mari, elle se séparerait volontiers de ses enfants. Je crois au contraire qu'elle en mourrait. Aussi, si tous deux me demandaient froidement, résolument, ce qu'ils ont à faire, je leur conseillerais tout, plutôt que de ruiner la sécurité, le bonheur et l'avenir de leurs enfants. Je leur persuaderai de se sacrifier, de se résigner, de vivre dans un côte à côte pénible, mais plus digne qu'une séparation éhontée, de s'unir dans un devoir commun, une pensée unique, celle des enfants. Et si l'on vous consultait vous-même, vous répondriez aussi, je suis sûre, que c'est le seul parti, le seul noble, le seul fier qui puisse prendre vis-à-vis d'eux-mêmes et du monde, ces deux êtres dont vous avez détruit le bonheur. » L'accent de Madame Hanskin fut si juste, son honnêteté si éloquente, ses yeux si courageux, que Géphos, oubliant l'humiliation qu'une femme lui infligeait, resta interdit. Et ce fut avec un sérieux mêlé d'indicible ironie pour lui-même qu'il murmura. « Mais alors, et c'est sans doute le troisième parti. Vous me demandez de disparaître, madame. » Oui, dit nettement Thérèse. En ce cas, vous disparaissez. Je ne dis pas pour le bonheur, mais pour le repos de Louise. Je ne dis pas pour votre bonheur, mais pour votre repos aussi, à vous. Vous lui laissez à elle la seule chose que vous ne pouviez lui prendre, la possibilité de réparer peut-être sa faute, et de rester elle-même aux yeux du monde et de ses enfants. Vous, vous redevenez libre. Allons, fit-elle avec bonhomie. Avouez-le, monsieur, vous vous en tirez à bon compte. Oui, pensait Géphos, voilà une maîtresse femme, et jolie quand elle s'anime. J'aimerais mieux la voir pour amie que pour ennemie. Elle plaide bien et elle a raison. J'y gagne tout. Et je ne risque rien, puisque de toute façon, Louise est perdue pour moi. Si j'ai bien compris, madame, et l'aplomb lui revint, vous me demandez de profiter de l'absence de vos amis pour m'en aller. Précisément, dit-elle. Mais, dit-il, résolu à marchander, et gardant d'ailleurs plus d'un scrupule, si grand que soient mes torts vis-à-vis de madame Desgrands, ne serait-ce pas les aggraver gratuitement que de partir en son absence? Que penserait-elle de moi, que je suis un lâche? Un lâche, monsieur, dit vivement Madame Hanskin, n'est pas celui qui a le courage de réparer une faute aux dépens de son orgueil et de son cœur. Une lâcheté autrement grande consisterait à faire le mal, en gardant les apparences d'un homme du monde, et à se fier aux chances d'une épée en cas de malheur. Précisément, j'ai une dette d'honneur à payer. Je ne puis faire banqueroute en me sauvant. Et qui vous empêche, monsieur, de régler cette dette à Paris ou à Marseille, si des grands vient vous la réclamer? Ne comprenez-vous pas qu'un duel est secondaire, mais que l'avenir de Louise est tout? Un homme de votre valeur, de votre intelligence, peut-il ne pas se rendre compte que le sacrifice que je vous demande, que j'implore de vous, si grand qu'il semble à votre amour propre, n'est rien à côté de tous ceux que Louise a fait pour vous? Elle s'est perdue, enfin, sa vie, son honneur, celui des siens. Elle a tout mis dans vos mains. Pourriez-vous hésiter à les lui rendre? Peut-être en est-il temps encore. Il faut la sauver d'elle-même. Si vous êtes un homme de cœur, monsieur, aidez-moi. Permettez-moi de réfléchir, dit Géphos. Non, dit-elle, sentant qu'il faiblissait, et son ton redevint gracieux, son regard sympathique. Prouvez-moi que j'ai eu raison de me confier à vous, de vous parler franchement, comme un ami. J'oublierai tout le mal, involontaire peut-être, que vous avez fait à Louise, en songeant qu'elle vous doit son repos et sa sécurité. Mais elle, madame, dit Géphos avec une émotion sincère, que pensera-t-elle? Que dira-t-elle? Ah, dit Thérèse d'une voix profonde, oui, elle vous aime, la malheureuse, elle a assez prouvé. Elle souffrira, c'est certain, mais ne sera-t-elle pas bien plus malheureuse si d'autres malheurs arrivent? Je ne vous ai parlé tout le temps que d'elle, mais en votre âme et conscience, ne devez-vous rien à un homme qui était votre ami? Et pourtant, vous avez pris sa femme, et que tout s'ébruite, vous l'aurez déshonoré. Voyons, monsieur, agissez loyalement. Donnez-moi votre main et dites-moi quel jour vous fixez pour votre départ. Géphos sentit une humiliation cuisante de voir qu'on faisait si bon marché de lui. Il interjeta. Mais madame, vous me prenez très au dépourvu. D'abord, dit-elle sans l'entendre, donnez-moi votre parole d'honneur de n'avertir Louise de votre départ, par aucun moyen, de ne plus la troubler ensuite, en aucune façon. Eh bien, foi d'honnête homme, concéda Géphos. Madame Hanskin ne sourcilla pas, et sans relever la formule du serment, l'accepta pour bon. « Quand partez-vous » dit-elle. « Nous sommes samedi. »« Mais comment me jugera-t-elle » balbutia Géphos. « Oh !» pensa Madame Hanskin. « L'amour propre survit donc à l'amour, et elle eut presque pitié. Elle vous regrettera d'abord, elle vous estimera ensuite. « Ah !» fit Géphos avec un soupir de doute. Elle répéta, « Quand partez-vous ? Demain ?»« Lundi, » dit-il au hasard. Elle lui tendit la main, virile et droite, les yeux purs. « Votre parole d'honneur. » Il prit cette main et la baisa, respectueusement. Madame Hanskin domptait sa répugnance. Il se redressa, et d'un air contrit, comme un homme que la grâce vient de toucher. « Je vous promets, madame, de faire votre volonté. » Fin de la section 18, enregistrée par Margot.